Yo, Apocalypse, Antilope Saxis, les rêves partent en Apocalypse, les cyanures, les rêves partent en fumée. Fumée, gars. Apocalypse, ouais, les rêves, partent en fumée. Ici la vie des jeunes se consume comme de l'encens. Et si nos rêves partent en fumée, c'est qu'il est temps d'être conscient que la vie c'est pas un jeu de hasard ni une partie de poker. Et qu'il faut se battre pour avoir ce qu'on veut et pas rester à terre. Concrétiser nos rêves ici, c'est le désir chacun. S'élever au rang des plus grands et rassurer les jours prochains. Si mes rêves partent en fumée, dissipés par le vent, je garde la tête haute devant la perte de mes rêves d'enfant. Trop de jeunes en galère perdus à l'avenir incertain, ne savent plus quoi faire de leur vie, la finiront en chien mec. Ouais. Avec CS pour ATK. Les rêves partent en fumée, gars. Et au coin de mon œil, une larme qui formera des flaques, qui formeront des fleuves, qui fermeront l'accès à tous ces espoirs si inhumés. Est-ce si inhumain de rêver, voir son feu réanimé puis s'éteindre et partir en fumée? Au coin de mon œil, une larme qui formera des flaques, qui formeront des fleuves, qui fermeront l'accès à tous ces espoirs si inhumés. Est-ce si inhumain de rêver, voir son feu réanimé puis s'éteindre et partir en fumée? Il fera vivre sa vie bientôt finie, il pleura au gré puisqu'il ne demande même plus. Qu'est-ce que demain matin sera? Cette heure rincée, cette âme s'est rendu compte qu'en s'éveillant, non, rien de bon ne pourrait plus pour lui se passer. Coucher de soleil pour une vie, même si tout bascule, plus l'envie non. D'envisager autre chose que se laisser pourrir. Pas de fruits dans son viager, justement. À quoi sert de vivre âgé pour enrichir un plus riche? À quoi pour ne pas mourir? Merde, il voulait juste un bout de bonheur. Voir ses petits enfants courir dans son jardin, la bouche pleine de confiture. À la bonheur. Maintenant lui toujours sur ce banc, qui lui appartient même pas. Regarde ses progénitures, sans progéniture. Ils sont foutus, c'est son avis. Se maudit même parfois de leur avoir donné la vie. Dans le ciel, observant cette lune qui n'a jamais pu décrocher, mais qui n'a qu'encore et reste allumée. Il va au bout des cigarettes de ses enfants, ses rêves et les leurs. S'envoler et partir en fumée. Partir en fumée. Fréco, test, Frédica, tactile, à tes clics. Et au coin de mon œil, une larme qui formera des flaques, qui formeront des fleuves, qui fermeront l'accès à tous ces espoirs inhumés. Est-ce si inhumain de rêver, voir son feu réanimé, puis s'éteindre et partir en fumée? Au coin de mon œil, une larme qui formera des flaques, qui formeront des fleuves, qui fermeront l'accès à tous ces espoirs inhumés. Est-ce si inhumain de rêver, voir son feu réanimé, puis s'éteindre et partir en fumée? C'est l'histoire d'une meuf qui a arrêté la school en 10 ans, juste à la fac. Les profs clean, les classes cool, tout ça maintenant elle fuck. La cause enceinte d'un bâtard, vu que le père est parti autre part. Mais d'autre part, son ressource plus sa famille l'a délaissé. Là c'est par la vie amertume, RF qui part en fumée. Elle se voyait avocate, médecin, en gros, voulait un métier fameux. Issu d'un milieu modeste, voulait quitter cette vie pitoyable. Putain. Perspective inconcevable, mais pour son fils, volonté incroyable. Prête à tout donner pour lui, sa vie, sa chair, sa fierté. Aux preuves, elle s'est adonnée au plaisir de la chair. Pour l'élever, j'incarne un avenir. Une fois en passé, c'était pour ne plus pleurer, pour ne plus pleurer. Ses rêves partent en fumée, cette existence l'a trop écœurée. Vie de misère, toujours la même qui passe sur un air triste de Mozart. Pas de vie sans haine, c'est vrai, Axis, cette conne fait de nous des losers. Yo, Apocalypse, les rêves partent en fumée. Les gars du Laps, Cyanure. Les rêves partent en fumée, certains fuient leurs soucis en fumant. D'autres n'en voient pas l'intérêt, avec la vie veulent en finir. Grand obstacle au bonheur, c'est de s'attendre à un trop grand bonheur. Si demain je meurs sans honneur, c'est que tous ces rêves n'étaient qu'un leurre. Les rêves partent en fumée, certains fuient leurs soucis en fumant. D'autres n'en voient pas l'intérêt, avec la vie veulent en finir. Grand obstacle au bonheur, c'est de s'attendre à un trop grand bonheur. Si demain je meurs sans honneur, c'est que pour moi aura sonné l'heure.